L'original de la bande, épisode 1, 2001, l'Odyssée d'Alex North. Oh, tu aimes ça, la musique? Ah oui, j'aime ça, surtout après un bon déjeuner. Mais vous êtes un original. Je préfère original à anormal. Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'original de la bande, le podcast qui vous fera entendre raison sur des musiques de films rares, mal considérées et parfois même détestées. Je suis Alexis, votre serviteur à toute heure, que vous écoutiez cet épisode de jour comme de nuit. Pour commencer ce podcast en fanfare, j'ai choisi d'accompagner la sortie vidéo de la nouvelle version restaurée du mythique 2001, l'Odyssée de l'espace, avec un duo d'épisodes. Et le premier volet de ce diptyque abrite un petit trésor, la musique originale écrite pour le film mais abandonnée au final par Kubrick. Ouvrez grand vos oreilles car ce premier morceau de et je pense vous rappeler quelque chose. En effet, il serait injuste de condamner le manque d'efficacité de ce morceau d'Alex North, intitulé Main Title, face au Ainsi parlait Zarathustra de Richard Strauss, devenu l'icône musicale par excellence du long-métrage de Stanley Kubrick. Aujourd'hui encore, beaucoup pensent que ce poème symphonique, composé en 1896, a été pensé pour le film de 1968. Au contraire, pour sa bande-son, Stanley Kubrick a emprunté à Richard Strauss, Aram Khachaturian ou Gheorghi Ligeti afin d'orchestrer son long-métrage de science-fiction. Il demandera ensuite au compositeur Alex North de produire une bande originale équivalente, dont nous allons tout de suite écouter un deuxième morceau titré « The Dawn of Man, l'aube de l'homme ». Thank you. Ce que vous venez d'entendre est donc le passage où la conscience des primates a été éveillée par le monolithe. Vous l'aurez donc constaté, nous sommes loin de la tonalité musicale que l'on connaît depuis à 2001. Pourquoi avoir fait appel au compositeur américain Alex North pour ne pas le garder au bout du compte? D'abord, c'est toujours moins cher de se payer une nouvelle musique que de raquer des sommes parfois considérables pour utiliser des musiques existantes et respecter les fameux droits d'auteur. Ensuite, Alex North n'était pas sa première collaboration avec Stanley Kubrick, les deux s'étaient rencontrés en 1960 sur Spartacus. North fut un très grand compositeur dont la carrière au cinéma commença à Hollywood au début des années 50. Il a souvent collaboré avec Elia Kazan et John Huston, on lui doit notamment la bande originale d'Un tramway nommé Désir ou du Cléopâtre de Mankiewicz. C'était Space Station Docking, à la place du fameux Bonanu bleu de Johann Strauss, qui faisait merveilleusement valser les vaisseaux au milieu des étoiles. C'est le jeu assez courant que l'on appelle le pré-tracking. C'est une méthode qui consiste à employer au montage des musiques déjà existantes pour caler des séquences afin de mieux définir leur ambiance, leur donner un rythme. Ensuite, ces morceaux sont remplacés par une bande vraiment originale, composée pour le film, mais qui devra singer, pour des questions d'ambiance ou de rythme, le morceau qui fut utilisé au départ. Alex North se sera donc employé à tenter d'égaler ses grands compositeurs empruntés, pour rien finalement. Car face à l'évidence de cet accord impossible entre la musique du compositeur et la vision du cinéaste, cette bande originale fut définitivement oubliée. Mais malgré cette fatalité, cela ne nous empêchera pas d'apprécier pleinement cet aérien Trip to the Moon, composé par Alex North. Thank you. Si cette musique était reléguée aux oubliettes, comment ai-je pu alors vous offrir ces précieux extraits dans l'original de la bande ? À cela, il faut remercier le label Intrada, spécialisé dans les bandes originales, qui avait édité ces 40 minutes retrouvées sur CD en 2007. À l'époque, Alex North avait demandé qu'on lui fasse une copie de son travail, copie qui fut donc retrouvée des années plus tard et restaurée pour cette édition. Elle nous donne un autre regard sur l'une des œuvres phares de Stanley Kubrick et de la vision qu'il en avait, également différente de celle de l'auteur Arthur C. Clarke, dont il adaptait l'ouvrage. Et je vous laisse avec Moon Rocket Bus, un morceau audacieux de North, sans doute mon préféré qu'il ait imaginé pour 2001, et qui tranche complètement avec la séquence obtenue où les astronautes se rendent vers le cratère lunaire où se trouve le fameux monolithe. Oh. Sur cette dernière note, je ne peux que vous recommander bien sûr de vous procurer ces sons d'exception de manière tout à fait légale. Merci à vous d'avoir écouté ce premier opus jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire des retours et d'en parler à vos amis mélomanes, cinéphiles ou les deux. Le podcast L'Original de la Bande est à retrouver sur tous les réseaux sociaux de tous les internets. ODLB Podcast tout attaché. Rendez-vous au prochain épisode consacré à la suite de 2001-2010, l'année du premier contact. D'ici là, gardez les oreilles grand ouvertes.